Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire des vies et de la mort de Gérard Lebovici. Un homme secret, parti de rien, un petit impresario devenu puissant producteur de cinéma, mais aussi un éditeur engagé pour les idées révolutionnaires. Compagnon de route de François Truffaut, Guy Debord ou Jean-Paul Belmondo, c'est une personne aux vies discrètes qui a construit un empire culturel traversant le siècle sur la pointe des pieds. Mais le 5 mars 1984, l'homme, âgé de 51 ans, est assassiné de 4 balles dans la nuque. Un crime qui porte la signature du milieu, un contrat exécuté par un tueur à gages. L'acte a de quoi surprendre. Lebo, comme on l'appelle, est un producteur incontournable, certes, un éditeur sulfureux aussi, mais pas un parrain de la mafia. Les enquêteurs de la crime se mettent donc sur le dossier, mais ils piétinent. Et encore aujourd'hui, personne n'a été inquiété dans ce dossier et l'assassin court toujours. Presque 35 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui a tué Lebovici, ni pourquoi. Mais c'est comme ça. Cette mort-là alimente l'aura de mystère qui entoure cet homme. Toute sa vie, il aura porté une armure, construit une forteresse autour de lui et compartimenté son quotidien à l'extrême. Alors, derrière ses légendaires silences et son regard impassible, qui était-il? Et puis, si sa mort est une énigme, que dire de sa vie? Ils sont peu à avoir eu la chance de le connaître réellement. Et certains, parmi ceux-là, ont essayé de lever le voile, comme Yannick Flo, auteur de La vie tumultueuse des producteurs. Il est notre invité aujourd'hui. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Balandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne. Fabrice Drouen, Affaires sensibles, sur France Inter. Paris, mercredi 7 mars 1984, 3h du matin, nuit noire sur les Champs-Élysées. Dans le parking souterrain de l'avenue Foch, un gardien fait sa ronde, accompagné de son fidèle révélaire. Tout semble calme. Mais quelques mètres devant lui, une voiture attire son regard. Une Renault 30, métallisée, phare allumé. Le vigile s'avance, regarde à l'intérieur du véhicule. Le conducteur est avachi sur le volant. Immobile, des taches de sang sur ses vêtements. Mort. Appel à police secours, une unité du 36 est dépêchée sur les lieux. Quelques minutes plus tard, les enquêteurs de la brigade criminelle s'affairent autour de la Renault pour les premières constatations. La victime a été exécutée. 4 balles de 22 longs rifles tirées dans la nuque à bout portant. 3 douilles sont tombées sur le tapis de sol, mais la quatrième est posée, debout, sur la plage arrière. La mise en scène est signée d'un tueur à gages. D'après les impacts, les policiers pensent que l'assassin était assis à l'arrière de la voiture. Alors, a-t-il attendu patiemment que le conducteur regagne l'auto ou connaissait-il la victime? À coup sûr, l'homme qui gît devant eux n'a rien vu venir de sa mort. Elle a été instantanée, un guet-apens, infernal, un truc de pro. L'affaire s'annonce compliquée. Grâce à l'immatriculation de la Renault, les policiers identifient la victime. Un certain Lebovici, prénom Gérard. Apparemment un producteur de films reconnu, 51 ans. Il fouille ses poches, 3 objets sont trouvés. Le ticket d'entrée des parkings, daté du lundi 5 mars à 18h45. Un bout de papier sur lequel est griffonné un rendez-vous estampillé François Ruvernet, 18h45. Et un portefeuille avec une grosse liasse de billets. Ce n'est donc pas un crime crapuleux. L'assassin a emporté les papiers d'identité, vraisemblablement pour prouver au commanditaire que tout s'est passé comme prévu. Bref, les indices sont maigres, très maigres. D'autant plus qu'aucune trace n'est relevée sur le véhicule. Et puis bientôt, la nouvelle se répand dans le tout Paris. Quelques heures plus tard, ce 7 mars 1984, une dépêche de l'AFP annonce l'assassinat de Gérard Lebovici qu'on présente comme l'un des plus importants producteurs de cinéma en France, ami de Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve, Yves Montand, autrement dit, c'est du lourd. Évidemment, les médias relaient l'information, comme ici sur France Inter, ce 8 mars 1984. Gérard Lebovici, homme orchestre du cinéma français au bras de Catherine Deneuve lors de la remise des Césars 82, il était un pivot dans l'organigramme de la profession, impresario, producteur, distributeur, gérant de la carrière des plus grands comédiens français, financier dans la coulisse de quelques-uns des plus grands succès commerciaux de ces dernières années, mais aussi de productions moins grand public. Les policiers ont maintenant commencé leurs auditions des proches de la victime, sa famille, ses collaborateurs des deux sociétés de distribution et de production. Ils élargiront ensuite leur enquête à tout ce monde du cinéma qui était le milieu naturel de Gérard Lebovici, à la recherche d'une piste, un travail qui s'annonce long et difficile. Malgré ses amitiés showbiz et sa carrière dans le cinéma, Les Beaux, comme on l'appelait, est un inconnu pour le grand public. Toute sa vie, il est resté un insaisissable homme de l'ombre, pour ne pas dire invisible. Les interviews, ils les refusaient. Les photographes, ils les fuyaient comme la peste. D'ailleurs, pour illustrer leurs articles, les rédactions peinent à trouver un portrait du producteur. On tombe finalement sur un cliché pris à l'improviste. Chapeau et écharpe noire, la mine impassible, un homme dans la rue semblable à tous les autres. Il est là, mais son esprit semble ailleurs. Qui était-il, ce Lebovici ? À sa mort, une bonne partie du monde du cinéma, qui le connaissait comme impresario et producteur, découvre qu'il était aussi un éditeur engagé, enragé même, fondateur de la maison d'édition Champ Libre, avec laquelle il a publié de nombreux essais, chroniques ou romans. Champ Libre est surtout connu pour publier des auteurs atypiques aux pensées sulfureuses, proches d'un idéal révolutionnaire, dirait-on aujourd'hui. Alors, faut-il chercher dans cette partie de la vie de Lebovici pour trouver une réponse à sa mort brutale ? De nombreux médias s'empressent de fouiller et lancent même quelques hypothèses hasardeuses. Ainsi, certains journalistes dissertent de la proximité entre Gérard Lebovici et Guy Debord. Le cinéaste, auteur et fondateur de l'International Situationniste, est rapidement présenté par les médias comme un ami encombrant, un maître à penser, celui qui lui soufflait à l'oreille des idées décadentes, celui qui l'a converti à l'anticapitalisme radical. De nombreux articles pointent alors indirectement le théoricien situationniste comme la seule piste à suivre pour l'enquête sur son assassinat. Et puis, Debord n'est-il pas l'ami des Brigades Rouges, d'Action Directe ? Non, absolument pas, c'est faux, mais peu importe. La rumeur s'installe, insidieuse, Debord serait le responsable de la mort de Lebeau. Pour l'intellectuel bouillonnant, l'affront est tellement douloureux qu'il en écrit un livre au titre éloquent « Considérations sur l'assassinat de Gérard Lebovici ». Il y parle de lui, surtout, mais aussi de son amitié pour son éditeur et de la mort de ce dernier. Les premières pages révèlent que Lebeau ne s'était pas fait que des amis dans le petit milieu culturel. Ce siècle n'aime pas la vérité, la générosité, la grandeur. Il n'aimait donc pas Gérard Lebovici, qui attirait encore un peu plus l'envie haineuse par sa liberté d'esprit et sa culture. Il avait donc beaucoup d'ennemis. Puisque aussi longtemps que le monde renversé sera le monde réel, les plus rares qualités passeront pour les pires défauts. Entre tant d'ennemis, ceux qui avaient leur raison particulière de l'abattre ont pu spéculer sur l'abondance universelle de la concurrence, sachant que la forêt peut cacher un arbre. Beaucoup d'ennemis et donc beaucoup de rumeurs autour de Lebovici. Sur ce point, tout le monde semble d'accord. Mais qui est donc cet adversaire si puissant et audacieux qui a entrepris la funeste besogne de l'assassiner sur commande? Et surtout, qui était Gérard Lebovici? Au moment de sa mort, il est un homme puissant dans l'industrie cinématographique et un agitateur d'idées avec sa maison d'édition, on l'a dit. Pourtant, au départ, rien ne le prédestinait au métier du spectacle. Lebovici naît le 25 août 1932 à Neuilly. Ses parents, Marie et Jacob, s'aiment follement. Jacob, qui se fait appeler James, est parti de rien et dirige une entreprise d'importation de pinceaux et de brosses. Bientôt, le petit Gérard est rejoint par Nicole, sa petite sœur cadette. En 1940, la guerre bouleverse le quotidien de la famille. L'occupation et les lois anti-juives forcent Marie à construire une cage dans l'appartement familial pour protéger ses enfants d'une rafle éventuelle. Un jour de 1942, alors que James est à l'abri dans l'appartement du dessous, les Allemands sonnent à la porte. Marie enferme Gérard et Nicole dans la cache, elle les embrasse, puis se livre sans résistance aux soldats. Elle sera déportée et ne reviendra jamais. Face à l'indicible, certains font le choix du silence. Toute sa vie, Gérard Lebovici refusera de parler de ce deuil et du sacrifice de sa mère. Toute sa vie aussi, il restera discret à propos de sa judéité. Après la guerre, la vie reprend, tant bien que mal. À l'école, il est un bon élève et son père voudrait le voir s'inscrire à HEC. Mais Gérard rêve de nouveaux horizons, le théâtre, le cinéma, la création. Après son bac, il intègre le cours Simon. Là, il rencontre Claude Berry ou encore Jean-Pierre Cassel. Après les 3 ans de formation et malgré un talent certain, sa carrière peine à décoller. Et puis à la même époque, son père James meurt de chagrin, dira plus tard Lebovici. Pour assurer son avenir et celui de sa sœur, il reprend donc l'entreprise familiale d'importation de pinceaux. Mais enfin, pour quelque temps seulement. Parce que le monde du spectacle exerce sur lui une attraction irrésistible et grâce au cinéaste Claude Berry, il devient impresario et fonde en 1960 son agence artistique. Son premier client est un autre collègue de promo, Jean-Pierre Cassel. C'est l'heure des yéyés, des cuisines en formica, de la nouvelle vague et du boom économique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Lebovici est doué pour les affaires. Peu à peu, il avale la concurrence et s'installe dans un beau bureau sur les Champs-Élysées. Ses clients et amis se nomment Belmondo, Montand, Signoret ou encore Deneuve. Au milieu des années 60, il tombe amoureux d'une jeune Italienne, Floriana Campo, et l'implique dans son agence. Elle devient sa principale collaboratrice. La société prend alors le nom de Armedia. Elle va devenir la plus grande agence artistique d'Europe. Peu à peu, elle vampirise les petites structures et se transforme en géant. Lebovici fait changer la nature même du métier d'impresario. D'ailleurs, on les appelle désormais agents, un poste qui devient décisif dans l'économie du cinéma, comme l'explique un ami et collègue de Lebovici, Jean-Louis Livy, au micro de France Culture en février 2004. Le métier d'agent artistique d'impresario à cette époque était constitué essentiellement de la représentation d'acteurs. Et lui a été un novateur absolu, puisqu'il a compris avant tout le monde que pour pouvoir maîtriser, disons, le spectre artistique dans toute l'ampleur de sa création, il fallait représenter les auteurs, les metteurs en scène, et que les acteurs viendraient obligatoirement, puisque la source, il fallait la représenter au départ et non pas être à la merci des autres, ce qui donnerait à l'agent artistique un pouvoir qu'il n'avait jamais eu, ce qui fut le cas. Cependant, le but de Lebovici n'est pas de s'enrichir. Il n'est pas un nabab, oh que non. Il méprise la vulgarité du milieu du cinéma et les soirées de gala sur tapis rouge. Non, avant tout, il est fasciné par les esprits libres, les créateurs, les provocateurs. En tant qu'agent, il prend Alain René sous son aile et l'aide à monter ses premiers films. Il devient aussi complice de François Truffaut. Le cinéaste lui fait régulièrement lire ses scénarios et lui montre les films une fois qu'ils sont terminés. D'ailleurs, avec Truffaut et Claude Berry, ils forment un trio d'amis inséparables, et ce pendant de nombreuses années. Pourtant, Lebovici semble rêver d'un ailleurs plus libre encore, plus radical. À cette époque, le fond de l'air est rouge et l'atmosphère de révolte monte au nez de l'impresario. En France et dans tout l'Occident, la fin des années 60 est marquée par une montée des contestations. L'apogée est atteinte au mois de mai 68, bien sûr. Lebovici a alors 36 ans. Et comme bien des entreprises, Armedia se retrouve au chômage technique. Le téléphone ne sonne plus, mais le patron exulte, comme le raconte son collègue Jean-Louis Livy au micro de France Culture en 2004. Du jour au lendemain, silence. Silence complet. Plus un coup de téléphone. Bon, on essaie de prendre des contacts. On n'arrive à joindre personne. Et on se retrouve subitement dans une situation où enfin, qui faisait absolument non seulement sourire, mais jubiler Gérard Lebovici, alors qu'on courait peut-être à notre perte, puisque plus de chiffre d'affaires, plus de respect des contrats, tout était arrêté. Et on était là le matin, on se regardait, on se disait, bon, ben voilà, encore une journée, sans rien. Mais Gérard, toujours détendu, décontracté. C'était sa particularité, sa singularité d'ailleurs, c'est que quand les choses étaient difficiles et allaient mal, il était d'une humeur extraordinaire. Ainsi la chienlit qui désespère de Gaulle enchante-t-elle Lebovici, car c'est du chaos que sortent les grandes choses. À la même période, il rencontre un autre Gérard, nom de famille, Guégan. Les deux hommes s'entendent à merveille et partagent les mêmes idées. Plus tard, Guégan dira de leur première rencontre, les beaux avaient cette démarche élastique et cet œil aux aguets qui sont la marque des grands souffrants. Une amitié naît et bientôt une maison d'édition. En compagnie de Floriana et de son nouvel ami Guégan, Gérard Lebovici se lie à d'autres révoltés. Et le petit groupe croit en la nécessité de créer une structure capable d'éditer des réflexions sur la lutte révolutionnaire. Ainsi, en juin 69, la maison d'édition Champ Libre voit le jour. Lebovici en est le financier, Guégan et quelques autres s'occuperont des affaires courantes. L'activité principale de Lebovici reste son agence Armédia, mais chaque samedi, ils s'enquièrent de la situation de Champ Libre auprès de Guégan. De leur côté, les permanents travaillent avec fougue et ne vont pas leurs heures. Une chose est certaine, Lebovici veut des livres au vitriol, susceptibles de faire sauter l'ordre bourgeois. Ainsi, l'impresario devenu éditeur suit les mouvements d'histoire. Il en épouse la contestation de façon toujours plus radicale, mais sans jamais renier ses activités cinéma. Lucrative. Alors, ce grand écart est-il à l'origine de sa mort brutale, cette nuit de 84 dans un parking souterrain? Toujours est-il que dans le sillage de 68, une nouvelle rencontre va bouleverser sa vie et le pousser encore plus loin dans son engagement. Fin des années 60, un groupe de jeunes gens scandalise la scène culturelle parisienne depuis quelques années. L'International Situationniste. Pour ce groupe, il s'agit de faire table rase de la société marchande avec des textes, des essais, des détournements. Le fondateur du collectif est un jeune théoricien aux lunettes cerclées, admirateur de Chateaubriand et de Charlie Chaplin, Guy Debord. Son livre le plus connu, La société du spectacle, a été publié un an plus tôt, en 67. Un essai de critique sociale qui dénonce la soumission d'individus au règne de la marchandise et qui met au jour un monde de mensonges et d'apparences. En 71, Debord rompt avec son premier éditeur. Il entre en contact avec Champ Libre et propose de rééditer la société du spectacle. Il rencontre Lebovici. Les deux hommes s'apprécient et une amitié solide voit le jour. Il faut dire qu'ils partagent de nombreuses passions. Flâner dans un Paris menacé par la modernité, fouiner dans les librairies du quartier latin, boire jusqu'au petit matin, se reposer à la campagne. Debord a aussi une ambition cinéma. Il souhaite réaliser une version filmée de son essai. Dynamiter le cinéma, le détruire, même parce que, dit-il, c'est plus facile que de tuer les passants. Lebovici est conquis. En 73, il s'engage à financer la société du spectacle. Le film est bâti sur un décalage entre l'image et le son. D'un côté, des plans issus de films hollywoodiens, de publicités ou de photos. De l'autre, un commentaire monocorde de Debord qui lit des passages de son livre. La monteuse du film, Martine Baraquet, qui deviendra plus tard la monteuse des films de Truffaut, parle de l'aventure au micro de France Culture en janvier 2004. J'ai eu un appel de la secrétaire de Gérard Lebovici pour rencontrer Gérard Lebovici qui allait me parler d'un projet qui était très mystérieux. Le rendez-vous est donné le soir après le travail, de façon à ce que plus personne ne soit dans ses bureaux. Je ne devais en parler à personne, et là, à cette projection, on a regardé pendant 2 heures que des documents d'actualité. Ça allait de Salin Gros, en passant par Marilyn Monroe chantant devant le président, en passant devant le dernier défilé de Chanel, la guerre de 40, les premières vaches qu'on élevait en batterie. Enfin, c'était monstrueux. Il fallait que je trouve ces documents, mais sans dire pour qui c'était. Parce que on ne pouvait pas s'offrir le luxe ni le temps de demander les droits. Donc, moi, j'inventais des histoires auprès des distributeurs. Gérard Lebovici était dans l'ombre. Personne ne savait que c'était Gérard Lebovici qui produisait. Du côté de Champ Libre, l'influence de Guy Debord se fait de plus en plus perceptible. Cependant, il reste invisible et ne fréquente jamais les bureaux de la maison d'édition. Non, son unique interlocuteur, c'est bien Gérard Lebovici. De leur côté, les permanents de Champ Libre, Gérard Guégan en tête, ne s'entendent pas avec Debord. D'ailleurs, au sein de la maison d'édition, le malaise gagne. Bégan et les autres employés considèrent Lebovici avant tout comme un financier et ils lui reprochent de plus en plus sa ligne éditoriale. Et puis, ils sont convaincus d'être les artisans principaux du succès de la maison et de sa reconnaissance par les médias. Le conflit est alors inévitable. Et un jour de janvier 1974, Gérard Lebovici licencie ses employés. Plus jamais il ne reparlera à Guégan. C'est que les beaux à la rancune tenace. Après le départ d'une bonne partie de l'équipe, Guy Debord devient directeur littéraire officieux de la maison d'édition. Et son influence se fait sentir. Plus de services de presse, ni de promotion, un mépris affiché pour les prix littéraires et les exploitations des titres en livres de poche, et enfin, rupture avec tous les auteurs récalcitrants. Quelques semaines plus tard, le 1er mai 1974, la Société du spectacle sort dans une seule salle à Paris. Lebovici est fier du film et loue même une salle pour le montrer à son ami François Truffaut. Après la projection, le cinéaste est enragé. Cette société du spectacle que tu viens de me montrer n'est même pas une grosse merde, car la merde est le signe que la vie continue. Or, c'est la vie, cette vie de merde, puante et sublime, qui manque à l'exercice d'autosatisfaction de ton protégé. Tu dépenses, en pure perte, l'argent de tes acteurs. Car tout de même, sans eux, tu n'aurais pas pu jouer les mécènes du néant. Je te maudis. Ne sais-tu plus reconnaître le talent, la création, le souffle de l'inspiration ? Quel besoin avais-tu de t'associer à cette hideuse manœuvre contre l'intelligence et le sentiment ? Tu as préféré soutenir la cause adverse, celle de la critique desséchée, desséchante, celle-là qui, dans le miroir que nous lui tendons, ne veut voir que son reflet, et qui, dans son narcissisme, finit par s'imaginer être le centre du monde. Quoi ? Non, pas un mot, tais-toi. Ton Debord est une crapule, une sorte de Staline des impuissants. C'est parce qu'il se sait sans talent qu'il condamne à mort l'art et les artistes. Il fait songer à un fossoyeur qui blaguerait au pied du cercueil. Ce qui ne l'empêche pas d'aller ensuite piller les tombeaux des enfants terribles qui ont mis leur sang sur la pellicule. Mais pour qui se prend-il ? On pardonne à un assassin, mais pas à un escroc en gants blancs qui abuse les petits vieux, les agonisants. Qu'as-tu fait là, Gérard ? Qu'as-tu fait là ? Malgré cette dispute, l'amitié entre Lebovici et Truffaut n'est pas à briser. Et les deux compères se réconcilient quelques jours plus tard à la table d'un petit resto. Vous savez... On est tous pareils, hein. D'ailleurs, tous les deux, on aime les mêmes femmes, par chance, pas toujours au même moment, et nous fuyons les mêmes hommes, explique Lebovici. Malgré ses incursions dans la diffusion de la pensée révolutionnaire, Lebo continue ainsi son activité principale de patron de Art Média, et sa société continue de croître. À la fin des années 70, Art Média devient l'une des plus grandes agences artistiques d'Europe. Elle emploie alors 15 agents et une armée de juristes qui s'occupent de 421 acteurs, auteurs, réalisateurs. Lebovici réinvestit constamment les bénéfices dans l'agence pour qu'elle puisse offrir de plus en plus de services à ses clients. Il s'inspire d'Hollywood et développe la pratique du package, qui consiste à monter des projets dont scénaristes, réalisateurs et interprètes sont tous clients de son agence, évidemment. Plus puissant que jamais, Gérard Lebovici veut encore diversifier son activité. Les films, il aimerait, lui aussi, les produire. Eh ben voyons, Lebo l'impresario va donc devenir producteur. D'homme puissant, il va devenir incontournable. Alors, faut-il chercher du côté du succès des millions pour trouver les raisons de son assassinat ? Je ne savais rien, ne connaissais rien. Je prenais la vie comme elle vient. J'ai pris ton amour comme vient le jour, sur un air de slow au balajo. C'était l'avant-guerre, parfum de naguère, en couleur sépia ou noir et blanc. C'était l'insouciance, parfum d'innocence, il n'y avait ni bon ni méchant. ce que tu m'aimes. Bien sûr que je t'aime. Bien sûr que je t'aime. Quelle question sur les photos de ma jeunesse. Une étrange tendresse. L'amour en noir et blanc. Aujourd'hui je sais, aujourd'hui j'ai fait tout ce que les hommes peuvent faire. Et l'on m'a trahi, et je t'ai trahi sur un air de slow au bajo. Car c'était la guerre, parfum de mystère, avec dans la bouche un de sang. Puis vient l'après-guerre, aux couleurs amères, c'est fini le temps des innocents. Est-ce que tu m'aimes? Dis, est-ce que je t'aime? Est-ce que nous nous aimons comme avant? Quand nous partions en promenade, en chantant la balade du bon et début des années 80, Gérard Lebovici est à la tête d'une agence artistique puissante, on l'a dit, qui emploie des dizaines de personnes. Cependant, l'homme a d'autres envies cinéma. Il veut pouvoir initier des projets, de films, ses projets. Son instinct pour les affaires et son goût pour les créateurs originaux le poussent donc à créer sa propre société de production. Ainsi, au printemps 1982, toujours avec sa femme Floriana, Lebovici crée une société baptisée AAA, pour acteur, auteur, associé. L'homme étend ainsi son entreprise sur le cinéma, car il contrôle à la fois un réservoir immense de talents et désormais les moyens de production. Certains pensent qu'il veut désintégrer le système de l'intérieur. Daniel Toscan du Plantier, par exemple, ancien président de la Gaumont, et donc concurrent direct de Lebovici, explique cette stratégie au micro de France Culture en juillet 1995. Il avait créé un espèce de système intégré qui d'ailleurs le mettait en conflit avec les entreprises de production et de distribution. Et comme à l'époque j'étais à la tête d'une d'entre elles, la première, ben on s'est trouvé en conflit objectif, je veux dire. Alors évidemment, ça passe toujours par d'autres sociétés. Donc formellement, il avait créé d'autres sociétés qui étaient distinctes de Artmedia. Enfin, il y avait une seule force, et c'est vrai que c'était en soi pas normal que quelqu'un qui représente une majorité des grands acteurs français puisse être lui-même producteur-distributeur de ses comédiens, qu'il doit proposer au marché. Grâce au système intégré de Lebovici, AAA, que tout le monde appelle 3A, produit de nombreux films à succès comme Les Compères de Francis Weber ou encore Les Morfalous, Henri Verneuil. Lebovici est un vrai producteur qui participe activement à la création d'un film. Oui, il lit les scénarios, suggère des modifications, s'entoure des meilleurs techniciens. Rapidement, il devient une force occulte qui s'amuse à raser la mûre, comme expliquera José Giovanni, un ancien voyou devenu auteur. D'ailleurs, Gérard Lebovici est toujours autant attiré par tout ce que l'ordre bourgeois rejette. Et il se prend de passion pour la vie et pour la mort de l'ex-ennemi public numéro 1, Jacques Mérine. En 1984, cela fait 5 ans que le truand est mort, abattu par les forces de police dans sa voiture, porte de Clignancourt. Le caractère libertaire de Mérine fascine Lebovici qui a dévoré L'instinct de mort, le livre témoignage du voyou. Au départ des années 80, le titre est retiré de la vente par son premier éditeur. Gérard Lebovici souhaite donc acquérir les droits et rééditer le livre avec champ libre. Début 84, c'est chose faite. la deuxième édition du livre, sort avec une préface tonitruante signée Lebovici. Dans le petit texte, il déclare que Mérine est devenue pour les Français le parfait symbole de la liberté et il évoque le redoutable honneur, je le cite, que représente pour Champs Libre le fait d'en devenir l'éditeur. Cette chronique de la vie du hors-la-loi, ponctuée de saillies sur l'aliénation du quotidien, enchante Lebovici. D'ailleurs, les mots de Mérine ne sont pas si éloignés de ceux de Guy Debord. J'avais pris l'habitude de regarder autour de moi, d'observer ceux que je côtoyais dans la rue, dans le métro, au petit restaurant où je prenais mes repas du midi. Qu'avais-je vu ? Des gueules tristes ? Des regards fatigués, des individus usés par un travail mal payé, mais bien obligés de le faire pour survivre, ne pouvant s'offrir que le strict minimum. Des êtres condamnés à la médiocrité perpétuelle, des êtres semblables à leur habillement et leurs problèmes financiers de fin de mois, des êtres incapables de satisfaire leurs moindres désirs, condamnés à être des rêveurs permanents devant les vitrines de luxe et les agences de voyage. Des êtres connaissant leur avenir puisque n'en ayant pas. Des robots exploités et fichés, respectueux des lois, plus par peur que par honnêteté morale. Des soumis, des vaincus, des esclaves du réveil matin. J'en faisais partie par obligation, mais je me sentais étranger à ces gens-là. Je n'acceptais pas. Je ne voulais pas que ma vie soit réglée d'avance ou décidée par d'autres. Parallèlement, Gérard Lebovici prend sous son aile Sabrina, la fille de Jacques Mérine. Il lui offre son aide financière et envisage même à un moment d'adopter. Il aide également son ami Jean-Paul Belmondo à adapter le livre au cinéma et engage Patrick Modiano et Michel Audiard pour écrire le scénario. Hélas, le projet ne verra jamais le jour. Le lundi 5 mars 84, Lebovici passe l'après-midi à son bureau de la rue Kepler, dans le 16e arrondissement. Vers 17h30, sa secrétaire reçoit un appel téléphonique mystérieux. Un homme insiste pour parler au patron, mais il ne veut pas dévoiler son identité. Et il rappelle trois fois, et finit par lâcher. Dites simplement que c'est de la part de Sabrina. Alerté, Lebovici prend la communication. Une fois l'appel terminé, le producteur annule un rendez-vous, puis appelle Floriana pour prévenir qu'il sera en retard pour le dîner. Chose étrange, il donne congé à son chauffeur alors qu'il n'aime pas conduire. Enfin, à 18h30, il prend place au volant de sa Renault 30 DX, direction Place de l'Étoile. À 18h45, un témoin voit le véhicule pénétrer dans le parking de l'avenue Foch avec trois personnes à bord. Qui sont-elles ? Quelques minutes plus tard, Lebovici est assassiné de 4 balles dans la nuque. A-t-il vu la mort arriver dans le reflet du rétro ? Dans les mois qui suivent, les enquêteurs de la crime auditionnent 290 personnes, explorent 12 pistes différentes, mais à chaque fois, c'est l'impasse. Au départ, on imagine que l'assassinat peut être lié à Mérine, après tout. Le mystérieux correspondant évoque une Sabrina. Le livre venait juste d'être republié et on parlait d'une adaptation au cinéma avec des vedettes. Alors, y a-t-il eu un conflit avec un ancien complice de l'ennemi public numéro 1, par exemple ? Une autre piste, souvent évoquée, tourne autour de la distribution de cassettes vidéo, un marché alors en plein boom à l'époque. Lebovici aurait contrarié le commerce frauduleux de plusieurs individus fichés au grand banditisme qui blanchissaient de l'argent grâce à un réseau de distribution de cassettes, justement. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent que c'est la piste la plus sérieuse. Il y a également, et forcément, la vie privée du producteur, qui aurait pu le mettre en danger, notamment sa passion pour le poker et les cercles de jeux clandestins. Et puis il y a les hypothèses plus improbables, voire même fantaisistes. Lebovici, proche de Debord, donc forcément sympathisant du terrorisme d'extrême gauche incarné par la bande à Bader ou les Brigades Rouges et autres fadaises. Enfin, il y a une autre théorie, extravagante, excentrique, bref, une hypothèse à l'image du personnage que nous explique Daniel Toscan du Plantier dans l'émission Profil perdu sur France Culture en juillet 95. Moi, je crois qu'avec le temps, il y a une zone de mystère, et en particulier celui de sa mort, que rien n'explique, hein, parce qu'aucune des explications ne me paraît bonne. on me dirait qu'il a payé quelqu'un pour le tuer, que je le croirais, vous voyez, à la limite. Hein, que c'est comme un suicide, voilà. Ce qui serait, à la limite, assez cohérent avec ce personnage-là. Parce que son analyse de la société en rupture est une analyse, d'ailleurs, comme le fait de bord, l'affaire de bord, qui conduit à la mort. C'est désespéré. Parce que c'est le suicide de la société dans lequel le sien s'inscrit naturellement. Lui, il était pour la rupture totale. Alors, suicide créatif ou crime crapuleux ? Toutes ces pistes ont leur logique. Mais aucun élément probant ne permet de diriger les policiers vers telle ou telle option. Non, trop de pistes et pas assez d'indices. Aujourd'hui encore, la mort de Lebovici reste un mystère. À la fois homme d'affaires, révolutionnaire, Lebovici est un enfant du XXe siècle, un esprit libre à cheval sur plusieurs mondes, cinéma commercial et littérature de combat. Un personnage insaisissable aux vies romanesques, un dandy légèrement anard qui se réjouissait d'être le ver dans le fruit d'une société pourrie et d'ailleurs. Sa trajectoire raconte à merveille la vie culturelle et parisienne et ses tensions dans les années 60 et 70. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré aux coudes, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y'a pas qu'au fond de la piscine, que mes yeux sont bleus marines, tu les avais repérés, sans qu'il y ait un regard, et t'avais appliqué. Maintenant je paie les faits retard. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. C'est plein de chlore au fond de la piscine, j'ai bu la tasse chin-chin. Comme c'est pour toi, je m'en fous, je suis vraiment prête à tout avaler, que m'importe si l'on me trouve à moitié morte. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire de Gérard Lebovici. Notre invité, Yonick Flo, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, journaliste, scénariste. Vous avez travaillé ici même sur France Inter, d'ailleurs, mais aussi à l'AFP, au film français. Vous avez notamment écrit La vie tumultueuse des producteurs. Hein. On est en plein dans le sujet. Paru aux éditions Séguier en 2014. Livre dans lequel vous consacrez un chapitre à Gérard Lebovici. Déjà, est-ce que je peux vous inviter à me donner votre réponse sur le mystère, parce que chacun a sa, non pas sa réponse, mais son hypothèse qui tient plus qu'une autre. Quelle est votre hypothèse, vous, sur la mort de Lebovici? Pour être très franc, journalistiquement, je n'en ai aucune. Si j'étais scénariste ou romancier, j'aurais exactement celle de Toscan du Plantier. Rappelez-nous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, mais là, je parle de fiction. Bien sûr, j'ai bien compris. Hein? Encore que, avec les beaux, la fiction et le réel, alors là, c'est une thèse. C'est fait pour eux. C'est une émission qui durerait 6 heures ou un week-end. Non, moi, je pense pas, mais j'imaginerais volontiers, étant donné le personnage, oui, ce côté à la fois flamboyant, esthète, je dirais presque poète de l'absurde, et aussi du désespoir, qu'il aurait été capable de se faire faire un contrat sur sa propre tête. Mais bon, je vais aller dire, c'est du cinéma. Alors, ce qui est réel en revanche, c'est votre rencontre avec lui, vos rencontres. Comment ça s'est passé la première fois? Quelle impression il vous a fait? Quel souvenir vous en gardez? Alors, pour être très honnête, je crois que c'était en 73 la première fois, quand j'avais la rubrique cinéma de l'AFP, mais c'est pas au titre de journaliste, et j'étais sélectionneur du festival de Cannes à l'époque. Et c'était la fameuse année de La Maman et la Putain et de La Grande Bouffe. Et lui, il avait mis de l'argent dans le film d'Eustache, en sous-main. Comme toujours il a fait, d'ailleurs vous l'avez laissé entendre, bien sûr qu'il était dans le star system, c'est même lui qui l'a mis au sommet, mais en même temps il aidait beaucoup les purs, les révoltés et les marginaux, les vrais poètes du cinéma, ce qu'était Jean Eustache. Et quand le film a été sélectionné, comme avec La Maman et la Putain, il y avait La Maman, la Putain et puis La Grande Bouffe, on avait aggravé notre cas cette année-là. On en a fait une affaire sensible, La Grande Bouffe. On s'est fait insulter d'ailleurs, oui, c'est des beaux souvenirs de Cannes que j'ai eu dans la vie d'un journaliste et d'un sélectionneur. Mais ce jour-là, c'était Eustache qui, pour me remercier, mais bien après, juste avant Cannes, m'avait invité à la Closerie des Lilas, où il avait pas un sou, mais c'est là qu'il régalait. Et il m'a dit, il y a quelqu'un qui va nous rejoindre. Et est arrivé un monsieur avec un imperméable, pas de cravate, une espèce d'air de chien battu, qui s'est assis, et puis il m'a dit que c'était Gérard Lebovici qui l'avait aidé. Et moi, bon, j'avais la rubrique cinéma de l'AFP, je crois déjà que je pigeais pour le film français, je savais qui il était, mais je l'avais jamais rencontré, peut-être croisé au hasard d'une première, mais de loin. Et donc j'étais ravi, je me suis dit, mais alors c'est l'homme le plus important du cinéma français, ça on le savait. Sans les zones d'ombre ou les mystères, il était... C'était Armédia, voilà. Qui vous l'avait évoqué, on appelait ça le package. Il avait les auteurs, les réalisateurs, les techniciens, il avait tout le monde, donc fallait passer par lui. Donc je me suis dit, moi c'est extraordinaire, si je me mets bien avec ce type-là, ma rubrique nouvelle du cinéma, j'ai juste trois coups de fil à lui passer, et puis j'ai 5 scoops toutes super les semaines contact, pour l'AFP. Il a naturellement éludé... Très peu parlé. J'ai vu que visiblement ça l'emmerdait, que ce que je lui demandais. Et puis il est parti très vite. Donc pour être très franc, c'était la déception de ma vie. Je pensais avoir gagné 3 ans dans ma carrière de journaliste cinéma, d'être en face à face avec Gérard Lebovici. Mais les autres rencontres. Mais alors je l'ai retrouvé après parce qu'il a racheté le film français. Ouais. Non, là, et il a racheté le film français qui était situé à l'époque dans le même immeuble au rez-de-chaussée, l'immeuble de où était Armédia, les bureaux d'Armédia, qui était rue Kepler, qui était non à l'époque c'était avenue Georges V. Ah d'accord. Bon. Et donc là, il a racheté le journal avec Cinéchiffres, alors qu'il l'a fait pour certainement encore accroître sa puissance, puisque c'était quand même, on appelait ça la Bible du cinéma français, un peu comme le Variety ou le Hollywood Reporter. Et puis, il avait aussi créé Cinéchiffres, qui existe toujours d'ailleurs, comme le film français. Mais à l'époque, le film français, il y avait énormément de publicité, des pages entières, y compris pour des films qui se faisaient jamais. C'est-à-dire les distributeurs ou les réalisateurs annonçaient sur pleine page, je crois que ça coûtait cher. Donc, il a encore gagné encore plus d'argent, et il a eu beaucoup de poids, bien sûr, parce que tout le monde voulait prendre des pages de pub, pas tellement pour le film français, pour les beaux. Et donc, il descendait parfois aux conférences de rédaction où il disait presque rien. Je me rappelle, moi, lui avoir posé une question sur Belmondo, qu'il représentait, et qu'il avait même forcé à faire une séritofilm, à créer une maison de production, parce que c'est une autre de ses apports. Il a demandé à beaucoup de ses grosses vedettes d'être aussi coproducteur. Ben oui, ça c'était sa stratégie, justement, donc on pourrait appeler de concentration horizontale, c'est-à-dire qu'on est à la fois producteur, éditeur, patron de presse, on a la chaîne du début jusqu'à la fin, on devient incontournable. Est-ce que c'était nouveau, ça, dans l'industrie du cinéma français? Au cinéma français, oui. Même si, on l'oublie toujours, Truffaut avait une maison de production, Chabrol avait une maison de production, Romer une maison de production. Donc, je veux dire, les gens de la nouvelle vague, mais ça n'existait pas avant, ça existait un peu aux États-Unis. Alors, on va écouter une archive. Il s'agit du romancier et metteur en scène Jean-Marie Apostolides qui nous parle des projets de Lebovici. Alors, c'est intéressant parce qu'il nous parle des projets de Lebovici à la veille de sa mort. Comme s'il avait intégré Lebovici, le fait, comme tout être humain, qu'il allait vivre bien plus longtemps. Il imagine la fin de sa vie comme éditeur, c'est-à-dire un homme qui va lancer dans le public des textes qui seront hostiles au système. Mais comme il est en même temps un réaliste, il sait qu'il peut pas tout abandonner, il a une épouse, il a des enfants, il a tout un business qu'il ne peut pas laisser tomber, c'est un homme responsable, donc il prépare sa sortie. Mais il annonce dans une lettre à Debord que dans les 2 ou dans les 4 ans qui vont venir, il aura définitivement fait sa rupture avec le milieu cinématographique pour n'être qu'un éditeur opposé au système, critique du système, et devenir en un sens un personnage dangereux pour le système. Alors ça, c'est intéressant, parce oui, que... Surtout qu'il y a le mot personnage. Personnage. Je ne sais pas si vous savez qu'il avait, d'ailleurs ça a été édité après sa mort, il avait l'intention... peu de temps avant sa mort, non pas de faire un livre, mais enfin, il l'aurait signé, curieusement, alors que je crois qu'il n'y avait pas une ligne de lui, en recensant toutes les insultes, les menaces écrites ou proférées qui avaient été faites à son encontre. Mmh. Et il aurait appelé ça « Tout sur le personnage ». D'accord, d'où le mot personnage, mot-clé. Qui m'a fait tiquer. Et ça. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, peu de temps avant sa mort, François Truffaut, là que j'ai mieux connu que Lebovici, parce qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que j'ai juste croisé de temps en temps, souvent, mais en tête à tête que 3-4 fois, je veux dire. Et après, quand j'étais le patron d'Unifrance Film. Mais là, j'avais besoin de lui, beaucoup plus que... Et il m'a là aussi pas tellement joué le jeu, il était tellement fuyant et secret. Mais là, Truffaut voulait aussi devenir... Non pas qu'il aurait peut-être abandonné le cinéma, mais être beaucoup plus un romancier ou un écrivain. Oui, on est bien content qu'il était un cinéaste. Alors je fais partie des gens dont les antennes se mettent à bouger quand on prononce le mot Truffaut. Parce que fan absolu Truffaut. D'ailleurs, ce qui est fascinant avec... vous posez ma question. Quels étaient les rapports de Truffaut avec les Bovici qu'apportait l'un à l'autre? Alors là, ça. Moi, le peu que j'ai pu voir ou entendre, puisque si j'ai peu connu Lebovici, j'ai très bien connu François Truffaut. J'ai souvent accompagné des voyages de 8 heures où j'avais le privilège d'être assis à côté de lui pour aller à Tokyo ou à Hollywood pour présenter ses films. Bon, alors, on parlait pas tout le temps, mais enfin, j'en profitais un petit peu quand même. Ah oui. C'est d'ailleurs un grand lecteur. Mes souvenirs d'avion, effectivement, il parlait pas beaucoup, il lisait. Mais c'est vrai que lui, Truffaut, il avait une détestation, vous avez eu un passage extraordinaire que vous avez passé, une détestation pour Lebovici, mais ça pour Debord, ouais. Mais ça n'a en rien contrarié les rapports qu'il avait avec Lebo. Il avait une confiance absolue, et c'est pas une question même affective. Lebo était le premier au courant de ses projets, il lisait la première mouture de ses scripts, les continuités, c'était pas vraiment un scénario dialogué, mais c'est-à-dire que je crois que Truffaut, qui quand même était un personnage considérable, parce qu'on parle de Lebo, il y avait aussi un pape spirituel du cinéma français à cette époque-là, c'était quand même Truffaut. Évidemment, évidemment. Et il ne faisait rien. C'était son agent. Mais enfin, Truffaut, dans ces années-là, il était allié des Américains. C'était un seigneur international du 7e art. Il ne faisait rien sans en parler à Lebo. Comme quoi, il était vraiment, vraiment. Donc, ça prouve important. Que. Mais oui, bien sûr. C'est pas simplement l'éminence grise. Il l'a été, sans doute. Mais il avait aussi un talent artistique. Il avait du nez, je veux dire. Et puis, surtout, je le répète, et ça, on le sait pas assez, il a beaucoup aidé en sous-main des scénaristes, des réalisateurs, qui étaient, je dirais, mais alors, c'est pas comme champ libre, mais qui étaient eux aussi contre le système cinématographique. Alors ça, c'est important, parce que le côté le plus intéressant, peut-être, de Lebovici, c'est ce pied dans l'industrie du cinéma, puissante, qui génère beaucoup d'argent, hein, et puis le pied ailleurs, le pied dans les idées, le pied dans le débat d'idées, le pied dans... C'est le gros problème, parce que... Ah, c'est pas un problème, non, c'est la grande interrogation. Mais oui, c'est extraordinaire. Un grand écart à ce point-là, je crois que ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'art. À ce point-là, c'est un peu comme si tout d'un coup, c'est comme si Trotsky devenait le patron de la Banque mondiale, c'est incroyable, il y a une dimension absolument surréaliste, libertaire, et là on retombe sur le personnage. Et en même temps, on retombe aussi sur toujours les zones d'ombre. Hein, moi je pense toujours à Malraux, la vérité de l'homme, c'est ce qu'il cache. Alors ça aurait pu être écrit sur mesure pour les beaux. Alors, est-ce qu'il pensait, je ne sais pas si vous le savez, mais peut-être à travers ce qu'il a écrit ou ce que vous avez pu lire, est-ce que Lebovici pensait que l'art et le cinéma pouvaient changer le monde? Ça je ne sais pas, parce que moi, mais c'est plus une impression. Et puis, naturellement, elle est un peu entachée par tout ce qu'on a, non pas appris, mais comment s'est dénouée sa vie. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui est revenu de la guerre, même s'il était encore un jeune homme, un ado. Le mot revenu, d'ailleurs, est intéressant, parce que sa maman n'est pas revenue, elle. Hein. Ah ben non. Bon. Donc, c'est un homme qui était certainement revenu de tout, qui avait une vision noire de l'humanité. Et au lieu de faire une dépression, c'est un homme qui a joué avec le feu. Là, c'est le cas de le dire, il en est peut-être sans doute mort. Donc c'est pas simplement ma vie, quel roman. Lui, c'est le mystère incarné que j'ai jamais vu. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça aussi qu'il voulait être acteur. Parce qu'il voulait être acteur pour prendre plusieurs masques, ne pas être lui. Ça lui a donné certainement ce caractère d'acier, de sortir de la guerre, comme ça, indemne. Mais en même temps, je crois que ça... Sa vision du monde, alors ne parlons pas du monde du cinéma, parce que moi, il m'a pas fait de confidence, mais je suis persuadé qu'il méprisait encore plus que Debord les gens de cinéma. Hein. Voulait-il le détruire de l'intérieur tout en restant ça aussi, un pape. C'est une autre énigme, Lebeau, parce que il voulait, je pense que lui voulait le démolir. Le mot de détruire et le mot de Debord. Debord parle de détruire le cinéma. Oui. Mais ce qui est quand même fascinant, c'est qu'on le veuille ou non, même si la fin de sa vie, il a aidé des gens, qu'il est devenu un peu plus indépendant après Art Média, c'est quand même quelqu'un qui a porté au maximum de toute sa beauté, de son horreur, le star system, le capitalisme financier, la mainmise du divertissement sur vraiment la réflexion, sur la remise en cause de la société. C'est quand même fascinant. Et c'est le même homme. Et en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Et ben là, ça échappe totalement à... D'ailleurs, j'ai entendu que vous présentiez, vous disiez pas la vie, vous disiez Lévi. Lévi, oui. Jamais. Lévi et la mort. Oui. De Lebovici. Jamais Lévi. C'est comme les chats, comme disait Malraux, là. Il y en a pas sept, lui. Parce que, il y a sept hypothèses de sa mort, mais on peut en trouver 15 autres. Alors, dernière chose, la grande trace qu'il a laissée jusqu'à aujourd'hui, c'est ses agences de comédiens. Avant, on disait impresario. Il a inventé le concept d'agent. L'agent moderne, l'agence moderne, bah, c'est la série 10%, notamment, que les Français aiment beaucoup. Et à juste titre, elle est excellente. D'ailleurs, c'est un ancien d'Art Média, bah oui, Dominique Besnard, qui en est à l'origine. Donc, on doit ça à Lebovici, cette industrie du cinéma telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, sous ses aspects les plus attirants, finalement, l'agence, c'est lui. Elle existait à Hollywood. Oui, mais en France, Il y avait avant Art Média, ou au moment d'Art Média, des grandes agences américaines qui, elles aussi, avaient les plus grands réalisateurs, les plus grands acteurs, les plus grands directeurs de la photo, les plus grands musiciens dans la même agence. Donc, qui dictaient leurs lois, même au studio. Ils ne l'auraient pas fait dans les années 40 ou 30 à Hollywood. Ils le faisaient à partir des années 60-70. Mais en même temps, et à la différence de l'Amérique, en France, il y a toujours, et il y avait du temps de Lebeau, un tissu extraordinaire d'artisans, que ce soit des réalisateurs ou des jeunes producteurs indépendants. Et heureusement, ce sera le mot de la fin. Yannick Flo, merci beaucoup pour tous vos témoignages et vos éclairages. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui dans l'ombre de Gérard Lebovici, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission. Livre, référencez vos commentaires, bien sûr, enfin si le cœur vous en dit. Merci à Clément Berman qui était à la technique aujourd'hui.